Bonjour mes amis, et nous terminons aujourd'hui l'étude de l'Évangile de Luc. Nous allons prendre le temps de commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, ça a été une joie, un privilège de méditer pendant un an et demi sur ce que tu nous as dit par Luc. Je crois que nous comprenons mieux maintenant, un peu plus, la personne de Jésus, cet homme, cet humain qui avait été engendré par l'Esprit-Saint en Marie afin de faire naître sur la terre un homme parfait. Nous avons mieux compris qu'est-ce qu'il a fait, comment il le fait. Pourquoi il le fait? Nous avons compris un peu plus sa mort, la raison de sa mort, sa résurrection. Et on te demanderait aujourd'hui que tu nous aides à comprendre les derniers versets qu'on appelle la glorification du Fils ou l'ascension du Fils. Au nom de Jésus, amen. Donc, on se souvient de cette journée qui a commencé avec la résurrection de Jésus, la visite des femmes au tombeau, qui reviennent le dire aux onze, mais qui ne le croient pas. Et on a vu que les deux disciples d'Emmaüs rencontrent Jésus pendant le temps qu'ils retournaient chez eux. Ils le reconnaissent, ils retournent à Jérusalem. Ils rencontrent les onze et les disciples, ils voient ensemble qu'il est apparu à différentes personnes et ils doutent encore un peu. Est-ce que c'est vraiment un être humain qui est ressuscité? Est-il vraiment revenu pour rester avec nous en tant qu'être humain? Ou c'est juste une apparence d'être humain? Est-il un esprit ou un fantôme? Parce que ça aurait été pu, hein? Je suis ressuscité, mais... c'est juste un esprit que vous voyez, c'est un semblant de Jésus. Non, je suis vraiment un être humain ressuscité. Comme tous les êtres humains qui vont ressusciter vont avoir un corps aussi nouveau. C'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens 15. Et là, Jésus vient au milieu d'eux et leur apparaît. Et pendant qu'il est là, il leur explique que les Écritures avaient dit. Jésus, pendant qu'il était sur la terre, a cité les Écritures. Il a dit, je suis l'accomplissement des Écritures. Je ne vais pas les abolir, mais les accomplir. Et à tout bout de champ, il dit, je suis en train d'accomplir les Écritures. Et Jésus a dirigé sa vie, a suivi pendant sa vie les Écritures, et il a voulu accomplir les Écritures. Jésus, en tant qu'humain, dans Luc, les Écritures étaient sa façon de comprendre ou de savoir ce que le Père voulait de lui. Par l'Esprit-Saint, on a vu, hein, il a été baptisé de son Esprit, le Saint-Esprit était sur lui et l'aidait à combattre les tentations, l'aidait à faire les miracles, à comprendre les Écritures, à saisir les Écritures et à accomplir les Écritures. Jésus, dans Luc, en tant qu'être humain, ne peut rien faire sans l'Esprit de Dieu. Après les avoir apparus, au verset 50, nous allons voir maintenant son ascension. Lisons ensemble. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Jésus les conduit, les amène vers Béthanie. Parce que, vous savez, si je suis Théophile, puis que je lis, oui, il est ressuscité Jésus, mais il est où? Où est-il maintenant? Il est mort, il est ressuscité, il est vraiment en chair, en eau. Donc, c'est un être vivant, maintenant, vraiment, là, on peut le toucher. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est maintenant? Donc, il dit, il est conduit à Béthanie, et là, sur le mont, on présume, le mont des Oliviers, ayant levé les mains, il les bénit. Comme c'était la coutume des prêtres, des grands prêtres, on les bénissait. On prononçait une certaine texte de l'Ancien Testament, qu'on pourrait voir si on avait le temps de lire l'Ancien Testament, où est-ce qu'on bénissait de la part de Dieu le peuple de Dieu. Il les bénit. Ce n'est pas à cause qu'il est béni là, qu'ils deviennent des meilleures personnes. Ce n'est pas à cause qu'il est béni tout d'un coup qu'ils sont... sont tous énervés puis tous en transe. Non, non, non. C'est une façon de dire que Dieu vous garde, que Dieu vous dirige, que Dieu vous préserve, que Dieu vous conduise. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Donc, pendant qu'il parle et qu'il les bénit au nom de Dieu, il commence à s'élever au-dessus du sol. Il s'élève jusqu'à un point qu'il le perde de vue. Il les fut enlevé au ciel. C'est où le ciel? Bonne question, n'est-ce pas? Je crois qu'il est allé rejoindre ceux qui sont morts avant lui. On a beaucoup de questions par rapport au ciel. Et là, Jésus est monté au ciel avec quoi? Avec son corps. Son corps qui pouvait manger des poissons rôtis et du miel. Son corps de chair et d'eau. Son corps qu'on peut toucher. Il est monté au ciel avec, et je crois qu'il est encore avec. Et la Bible nous dit qu'il va revenir avec dans l'Apocalypse. Pour sa deuxième venue. Je n'ai pas toutes les réponses à ces questions que vous pouvez avoir dans votre tête. Où est-il? Que fait-il? Comment vit-il? Mange-t-il? Se couche-t-il? Il y a plein de questions que je n'ai pas de réponse ici et Luc ne me donne pas de réponse. Donc, je me contente du texte. S'il fut enlevé dans le ciel, c'est que le ciel le reçoit. C'est que le ciel l'admet. C'est qu'il est en harmonie avec le ciel. Parce que le ciel, ça représente la présence de Dieu. Il est parti. C'est terminé. La vie de Jésus sur cette terre, c'est terminé pour le moment. Ils sont dans la joie pendant qu'il est là. Ils viennent tristes quand il meurt. Ils reviennent dans la joie à cause qu'il est ressuscité. Et là, il leur fait comprendre les Écritures. Il leur ouvre l'esprit. Ils comprennent mieux ce que Jésus devait faire. Au verset 52, pour eux, les disciples qui étaient restés là, après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec des grandes joies. Mais où là, sont plus dans la tristesse. Même si Jésus est parti et qu'il n'est plus là, ils ne sont plus dans la tristesse. Quand ils étaient morts et qu'ils ne croyaient pas encore qu'ils étaient ressuscités, ils étaient dans la tristesse. Ils étaient abattus et découragés. Parce que Jésus n'était plus là. Mais là, il n'est plus là. Mais pourtant, ils sont dans la joie. Pourquoi vous pensez? Parce que là, ils comprennent maintenant. Ils ont compris les Écritures. Ils ont compris ce que Moïse avait dit. Ils ont compris ce que les prophètes avaient dit. Ils ont compris ce que les psaumes disaient et annonçaient. Ils ont compris, pas parce qu'ils sont devenus plus intelligents en quelques jours, parce que Jésus leur avait ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Ça prend l'aide de Dieu pour comprendre les Écritures. Tout le Nouveau Testament nous le dit cela. Et chaque chrétien, maintenant, qui est né de nouveau, a reçu le Saint-Esprit. Jésus faisait comprendre les Écritures. Jésus est parti. Mais maintenant, l'Esprit vit dans les enfants de Dieu. Et c'est l'Esprit qui nous aide à comprendre les Écritures. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de la lire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de la méditer, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de l'étudier. Oui, on fait tout cela, mais sans l'Esprit, on ne peut pas comprendre les Écritures. Même si on passera notre temps à les lire, les méditer, les étudier, comme faisaient les grands prêtres, comme faisaient les scribes, comme faisaient les pharisiens, et ils ne comprenaient pas, Pourtant, c'était des étudiants de la Bible. Mais ils ne comprenaient pas. Ils étaient sans intelligence. Maintenant que les disciples ont compris, parce que Jésus les a aidés à comprendre, et que maintenant les chrétiens, eux autres aussi, comprennent par le deuxième consolateur qui est l'Esprit Saint en nous, nous comprenons. Et même si Jésus n'est plus là, nous sommes dans la joie. Parce qu'il va revenir. Il l'a dit qu'il va revenir. L'Ancien Testament disait qu'il reviendrait. Et pendant qu'il était sur la terre, il leur a dit, je vais revenir. Et dans l'Apocalypse, ça nous dit qu'il va revenir. Et les disciples, même dans l'absence de Jésus, maintenant, depuis 2000 ans, les disciples sont dans la joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ici, je crois que c'est un résumé de ce qu'on pourrait voir dans les Actes des apôtres. Ils étaient continuellement dans le temple et ils bénissaient Dieu. Donc, comment faisaient-ils cela? Comment est-ce qu'ils faisaient pour louer et bénir Dieu dans le temple? Je crois qu'ils ont fait ou faisaient ce que Jésus a fait avec eux. Ils expliquaient aux gens l'Ancien Testament, il les aidait à comprendre Moïse, les prophètes, les psaumes, afin que leur cœur brûle, eux autres aussi, et qu'ils se repentent et qu'ils croient au Seigneur Jésus pour avoir le pardon de leurs péchés et être dans la joie avec les autres disciples, avec les onze, avec les femmes, avec les disciples d'Emmaüs. Nous bénissons Dieu en annonçant les Écritures, leur accomplissement, ce que Jésus a fait pour accomplir les Écritures, et les Écritures qui s'en viennent, qui vont être accomplies à la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que nous louons Dieu et bénissons Dieu. Ce n'est pas avec nos, excusez-moi l'expression, avec nos petits chants de redondance des fois. Ce n'est pas avec nos petits chants des fois qu'on est plein de vanité et d'orgueil quand on les chante, ou des fois on est complètement dans la lune quand on les chante. La meilleure façon de louer et de bénir Dieu, c'est d'annoncer l'accomplissement des Écritures et d'annoncer ce que les Écritures nous disent qui s'en vient encore. C'est comme ça qu'on bénit l'Éternel devant les gens. C'est comme ça qu'on loue l'Éternel. Il avait prédit, il l'avait annoncé et ça s'est accompli en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on le loue, qu'on le bénit. Et si vous regardez les actes des apôtres, vous allez voir que c'est comme ça que les apôtres vont faire aussi. Ils vont annoncer l'accomplissement des Écritures. Première fois que Pierre prêche, il parle des psaumes de David. Quand, si vous lisez ce que Paul faisait, il annonçait par les Écritures, il essayait de convaincre les gens que Jésus était l'accomplissement des Écritures de l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'on loue, qu'on bénit l'Éternel, hein, notre Dieu. Donc Jésus, je fais un petit résumé en terminant. Jésus, dans Luc, un homme, parfaitement homme, né d'une femme, 9 mois de grossesse, naissance, il a grandi, il a eu une croissance en intelligence, en connaissance, il a eu une croissance physique. Il a grandi pendant 30 ans comme tous les êtres humains. Et comme les êtres humains, il priait, il avait besoin du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu, pour résister aux tentations. Il avait besoin des Écritures pour comprendre le plan de Dieu. Et à cause qu'il était homme, il avait besoin du Saint-Esprit, et c'est là qu'il avait reçu l'Esprit à son baptême, pour accomplir le plan de Dieu pour lui. Et c'est en tant qu'homme qu'il meurt sur la croix, et c'est en tant qu'homme qu'il ressuscite, et c'est en tant qu'homme qu'il monte au ciel. Dans Luc, Jésus est un homme. Maintenant, Théophile a toutes les données que Luc a rassemblées à partir des témoins oculaires pour démontrer que Jésus, pendant sa vie a accompli les prophéties ou les Écritures de l'Ancien Testament. Un homme parfait qui meurt pour des hommes imparfaits, afin qu'il devienne parfait par sa mort et sa résurrection. Afin d'accomplir le salut annoncé de tous les temps par les prophètes. J'espère que ceci vous a aidé dans votre connaissance de Dieu. J'espère que ceci va vous aider à être un adorateur selon les Écritures. J'espère que ça vous a aidé à étudier dans le contexte. Et j'espère que ça vous a, comme Théophile, convaincu que ce que vous avez entendu est vrai. Je ne sais pas quand je vais revenir avec d'autres vidéos. Présentement, nous sommes en février et je vais prendre quelques temps de vacances. Je m'en vais en voyage avec mon garçon et je vais revenir en mars. Et en mars, allez voir sur ma page Facebook, allez voir sur mon blog, allez voir sur ma chaîne YouTube pour voir. Et là, je vais annoncer, je vais le dire, je vais montrer, je vais annoncer, je vais écrire quand est-ce que je vais recommencer et quel livre qu'on va faire ensemble. Donc, que le Seigneur vous bénisse par l'étude des Écritures. Notre bon Père du ciel, comme nous sommes reconnaissants, comme nous sommes dans la joie, que tu nous as laissé ta pensée. Nous ne sommes pas, comme Paul lui dit, ballottés à tout vent et toute doctrine, à tout ce qui passe. Oh, il y a tellement de choses qui passent et qui est dit, que Jésus a dit, que Jésus a fait, qui n'est même pas vrai. Qui n'est même pas vrai. La seule source d'information que nous avons, c'est les Écritures. Et par les Écritures, tu nous as sauvés. Et par les Écritures, tu nous as donné le pardon des péchés. Ô Seigneur, notre Dieu, que ta parole soit notre nourriture de tous les jours et que ta parole soit notre sujet de louange et de bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. À la prochaine, mes chers amis.